de télé. Voilà qui clôture votre grand journal des sports. Merci à Léven Tétard qui m'accompagnait ce matin. Je vous rappelle les rendez-vous de la journée, le Tour de France et la finale de l'Euro ce soir entre le Portugal et la France. Le tout à suivre sur Vivacité, en télé et sur le web. Dans quelques instants, le journal de 9h. Merci de votre fidélité. Bon dimanche à tous. Pour l'autre, mais je pense que je serais un peu pour le Portugal. Je vais essayer de réfléchir. Ce que j'aime bien, c'est des équipes, en fait. Un déchirement qu'on retrouve dans bien des foyers. Maria Correa est la vice-présidente de l'association des Portugais de Rennes. C'est une fervente supportrice de la Seleção. Mais au sein de sa famille, c'est plus compliqué. J'ai deux gendres français, un qui vibre plus quand même pour le Portugal et un par contre qui, d'ailleurs, qu'on regarde rarement les matchs ensemble parce qu'il est chauvin, je suis chauvin. France, mais déjà depuis le début du tournoi, de jouer un euro, de représenter son pays, c'est déjà quelque chose de fort. De le jouer sur le sol français, mais il faut finir le travail, il reste encore une marche supplémentaire, la plus dure face à un grand adversaire. Voilà, on joue avec l'imprévu, donc forcément, il y a toujours des choses qui surgissent. Des aventures rocambolesques aux histoires drôles, il n'y a qu'un pas et le public apprécie. C'est vraiment accueillant, le beau temps évidemment, c'est détente. Monsieur, un moment de détente avant tout. Grand moment de détente, c'est super, on est toujours dans les comptes, on rentre dedans à chaque fois. Il vociférait, sortez-moi de cet enfer. Venus du Brabant wallon, les compagnons du temps en slam sauce rock nous font revivre les fables de Jean de La Fontaine. Pierre-Yves Le Mans. Souvent dans la chanson, maintenant, on veut toujours tout faire en anglais, alors qu'il y a vraiment la richesse dans cette langue française et les fables de La Fontaine. C'est vraiment quelque chose de fort et il y a un sens à ces fables. Et on retrouve encore toutes ces morales dans la vie de tous les jours. Et cette 27e édition des Contes de Chiny, c'est jusqu'à ce soir, 20h30. RTBF Mobile Info, Adrien Demey, des objets encombrants, notamment sur la E42. Oui, en direction de Namur, en venant de Liège, c'est un objet encombrant assez volumineux. C'est un vélo qui, nous dit-on, encombre la voie centrale. Donc sur cette E42, si vous circulez en direction de Namur. Autre objet encombrant sur la liaison A501, soit environ 1 km avant la Louvière, il y a ce paquet qui se trouve sur la bande de gauche en venant de Famille-Heureux. Vous avez vu Trouble à bel oeil ? Etias est là dans les 30 minutes. Un problème sur la route ? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Merci Adrien, 9h et quasiment 12 minutes, l'heure des enfants de cœur et le best-of avec Jean-Jacques Brunin. Merci beaucoup Lionel de Neubourg, l'info revient tout à l'heure à 10h. En juillet chez Ego, jusqu'à 35% de remise sur votre nouvelle cuisine équipée sur mesure. Ego, la cuisine de ma vie. Viva et la Viva. Viva, Viva Cité. Le meilleur des enfants de cœur sur Vivacité. Bon dimanche matin jusqu'à 10h30. Je dis, tu ne manges pas de frites, tu ne fais jamais de frites, tu n'aimes que la purée. Alors moi, basique, je dis, pourquoi est-ce que tu n'as pas mis des patates à purée? Alors lui, très logiquement, il me regarde et il me dit, parce que ça n'existe pas. Parce qu'on est en 2015, hein, et il n'y a pas encore un qui a été foutu d'inventer une patate à purée. Quand c'est pour aller chercher de l'eau sur Mars, là, il y a du monde, hein. Mais pour mon père qui s'est crevé toute sa vie et qui est obligé de faire sa purée avec des patates à frites, là, il n'a plus personne, hein. Les gens sont égoïstes, hein. Parce qu'il y a des chercheurs, hein. J'ai vu une fois dans une revue que j'attendais chez le médecin, et les chercheurs, ils essayaient de savoir si une huître, ça réfléchit. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de savoir qu'une huître réfléchit pendant que mon père est en train d'écraser ses patates à frites pour faire de la purée? Ça me révolte, hein, moi. Pour un peu, je m'énerverais. Mais dans quel monde est-ce qu'on vit, hein, moi? Moi, je l'ai déjà dit, mais un jour, on va toucher le fond, hein. À Comines ou à Bénezet, là, il a vraiment tout dit qu'il y a quoi qu'il va naître, hein. Notre Jean-Michel National. Le dimanche matin, Vivacité consacre 1h30 à l'humour. De 9h à 10h30, ce sont les enfants de cœur. Voltaren est un médicament au diclofénac. Pas d'utilisation prolongée sans avis médical. Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans en cas d'hypersensibilité aux agents anti-inflammatoires non stéroïdiens ou en cas de grossesse. Lire attentivement la notice. Aujourd'hui, on va travailler les doigts. On prend le tube de crème solaire et on presse bien fort avec les doigts. Et on étale de haut en bas. Et 1 et 2, on fait des ronds. Et 3 et 4, allez, on en met bien partout. Retrouvez le plaisir de bouger grâce à Voltaren Immulgel Forte contre les inflammations douloureuses de vos articulations. Une seule application toutes les 12 heures. Soulage votre douleur durablement. Faire la crêpe ou manger des crêpes. Lâchez-vous, Neckermann, vous êtes en vacances. Réservez maintenant votre last minute. Approchez au plus près les animaux les plus spectaculaires. Le monde sauvage d'Ewaï, Safari Park unique en Belgique, E25, sortie 46. Mondesauvage.be. Fred, qu'est-ce qui est rouge, ultra rapide et super économique? Ma prochaine voiture. Mais non, c'est Red Market, le supermarché avec un personnel hyper sympa, des produits frais, des caisses ultra rapides et des prix constamment revus en fonction de la concurrence. Red Market, votre supermarché sympa, rapide et moins cher, ouvert 7 jours sur 7. Red Market à Jemeppe-sur-Meuse, 109 rue de la Station. Les meilleurs soldes chez Electro-Rouard à Verlaine, bien sûr. Des prix imbattables en électroménager, TV, Hi-Fi. Des prix massacrés dans les plus grandes marques, mais toujours un service irréprochable. Les vrais soldes vous attendent chez Electro-Rouard, Grand Route à Verlaine. Surfez sur electrorouard.be. C'est plus sûr. C'est... Ceratec. Les carrelages Ceratec à Warem soldent. C'est le moment de profiter de carrelages de qualité, mais à prix soldé et durant tout le mois. Sympa, non? Ceratec. Encore plus intéressant que d'habitude et avec toujours l'atelier de découpe de plainte. Ceratec, une nouvelle façon de voir le carrelage. Ceratec. Chaussée romaine à Warem. Vivacité ELA 2 présente le meeting international d'athlétisme de la province de Liège. De l'athlétisme de haut niveau à Nemet-Ovémont le mercredi 13 juillet à 20h. Venez applaudir Nafitiam et les autres Belges dans leur dernière ligne droite pour les JO. Plus d'infos sur meetingliège.be avec le service des sports de la province de Liège et la Loterie Nationale. Le best-of des enfants de cœur, une bible de l'humour. Un best-of qui nous permet de voyager puisque nous sommes allés une seule fois du côté de Comines à deux pas de la frontière française, mais aussi du plat pays. Quelle étape, quel public et quels invités, notamment le chanteur, rappeur, humoriste français Camini qui s'était fait remarquer avec son tube Marly Gaumont. En voici le portrait par Christophe Bourdon, suivi d'une dépression chronique d'un certain Georges D. Les enfants de cœur. Que la force soit avec toi. Camini, de son vrai nom Camini Zantoko, du congolais Zantoko qui veut dire Zantoko, est le plus jeune d'une fratrie de trois garçons, Camini et ses deux frères aînés, Camédium et Camaxi. Si la malchance avait été un jeu de bowling, on peut dire sans hésitation que Camini aurait été un strike. Incolore pour les auditeurs qui nous écoutent en radio, mais noir pour tous les autres, Camini est né à Nouvion en Thiérache, en Picardie, et a passé son enfance à Marly-Gaumont, en Picardie aussi. Il ne lui manquait plus qu'à être communiste, unijambiste, bipolaire, nécrophile et fan de Michel Thor. Ah non, ça c'est nécrophile aussi. Pour entrer dans le Guinness Book comme l'homme le plus malchanceux du monde. Pour situer, le destin de Camini, c'est comme chez nous en Belgique, être en versois germanophone, naître à Villers-Tarroule dans le Condreau et passer sa jeunesse à faire le tapin à Marchénaud-Pont. Et pardon d'avance à tous les vilains tarouliens et à toutes les marchénasses qui nous écoutent. Puisqu'un rappeur est toujours pauvre, sinon c'est un bouffon de sa race qui trahit ses frères, pour parcourir les 100 km de Marly-Gaumont jusqu'ici à l'enregistrement de notre émission à Comines, en transport en commun, Camini a donc dû aller de Marly-Gaumont et Tréaupont en autostop, 2h30 d'attente sous la pluie avec sa tête de djihadiste, et 10 km de prise en stop en tracteur. Aller des Tréaux-Ponts à Fourmies en bus, 19 km en 57 minutes. Poursuivre de Fourmies à Valenciennes en train, 72 km en 1h02. Puis prendre une correspondance de Valenciennes jusque Lille à la voie 4, 52 km en 53 minutes. Et enfin, joindre Lille à Comines avec changement à Tourcoing et Courtrai, 27 km à vol d'oiseau en 2h03. D'après mes calculs, pour nous rencontrer, notre invité est donc parti de chez lui jeudi dernier. Rappeur picard agricole, dont le morceau très finement intitulé Marly Gaumont a été disque de platine, Camini propose aujourd'hui son seul en scène intitulé « Il faut que je vous explique », un joyau inégalable de l'humour congolo-picard dont je vous lis un court extrait des opilants. C'est en ch'ti, logique. Chez deux copines qui rintaient d'elle du casse complètement bourré. Elle passe devant un cimetière et un N des deux qui dit qu'il pourrait être soulagé derrière une tombe. Elle est v'là partie. Elle première, qui a rien pour s'essuyer, décide d'enlever son slip, de se frotter avec et de jeter après. Scopine, qui a des sous-vêtements de luxe et qui veut pas les esquinter, elle se trouve bien contente d'être trouvée un ruban sur une couronne qui est sur une tombe à côté. Et elle s'insère pour s'essuyer. Après tout ça, elle rentre à la maison. Elle l'emmène, et je tombe d'elle première, il téléphone à je tombe d'elle deuxième, et il dit, il va falloir surveiller nos femmes. Elle mienne à la rentrée sans culotte la nuit dernière. Cherchez rien, qui dit l'autre. Elle mienne à la rentrée avec une carte coinchée entre ses fesses, ou qui s'est tout écrit d'elle peur de toucher d'elle brigade des pompiers. On ne t'oubliera jamais. Voilà, si cette croustillante anecdote vous a mis en appétit, Camini sera sur la scène du théâtre de Ma Ville de Binge le 10 octobre dernier. Réservation, c'est trop tard, c'est passé. Gageons que ma voisine Fernande y a trouvé une idée pour un chouette amusement dans le cimetière de Toussaint. Merci. Voici Dépression Chronique. Je vous demande d'accueillir sous vos applaudissements Georges D. Les enfants de cœur. Bonjour. Il paraît que je fais de l'humour morbide. C'est faux. Mon bide est loin d'être mort. En fait, tu sais que tu deviens gros quand le plastique de ta balance commence à se fissurer. Mais je commence pas là-dessus. Quand je parle de prise de poids, souvent je digresse. Je vous laisse un peu de temps pour celle-là. Du coup, je fais de l'exercice. J'aime bien me promener, par exemple. Je me promène dans les cimetières. L'air y est vivifiant. Le cimetière, c'est quand même l'endroit le plus calme du monde. Après mon caleçon, bien sûr. Il n'y a personne pour t'emmerder. Problème de voisinage, connais pas. Tu peux tout faire. Te promener, réfléchir, profaner des tombes. C'est rigolo parce que même dans les cimetières, les morts sont plus dynamiques que moi. Alors se promener dans un cimetière, c'est comme faire une sortie dans l'espace intersidéral. C'est curieux. Dans l'espace, personne ne t'entend crier. C'est pour ça que le nombre de viols y est anormalement élevé. Je visite les cimetières parce que je sais que je vais me suicider un jour. Aujourd'hui peut-être, ou alors demain. Et comme je vois les choses en grand, ce ne sera pas avec un bête pistolet, mais bien avec une mitraillette, fricadelle, sauce andalouse, sans crédité, merci. J'aime bien visiter les cimetières à l'étranger. J'ai eu la chance de visiter le cimetière colonial de Savannah en Amérique. En Angleterre, celui du Highgate. En France, ça s'appelle l'Académie française. J'ai été récemment à un enterrement, un collègue. Le type, il avait décidé de me pourrir chaque début de semaine. Quand je lui demandais comment ça va, il me répondait « comme un lundi ». Comme un lundi, c'était sa blague. Il la faisait tous les lundis. Pour lui, c'était le summum de l'humour. Je suis sûr que le dimanche soir, il avait déjà une demi-molle en se disant « Wouhou, demain je vais être le plus drôle de la Terre !» Il a bien été puni. Il a été enterré un vendredi. Et devant sa tombe ouverte, un autre collègue m'a demandé comment j'allais. Je me suis fait un plaisir de lui répondre « Comme un vendredi !» Le type, il est mort d'un cancer du poumon. À la fin, il expectorait beaucoup. Alors, expectorer, c'est classe comme mot. C'est comme cracher ses poumons, mais avec le petit doigt en l'air. Pour terminer, sur les tombes, on trouve des inscriptions qu'on appelle des épitaphes. Sur la mienne, j'aimerais bien qu'il soit écrit « chienne de vie » et « crotte de mort ». Merci beaucoup. Il s'appelle Georges D. Bravo. Les enfants de cœur de Vivacité. Ça fait longtemps qu'ils ont... Le best-of des enfants de cœur, cet été, Vivacité redistribue la collecte des meilleurs moments de l'émission. Et notamment les meilleurs moments d'un certain 8 novembre. Le 8 novembre, nous étions à Attert dans le sud du pays, avec notamment le feuilleton Les Boëls qui se retrouve à l'université en compagnie du chanteur-rappeur Camini. Les Boëls, une famille royalement pas comme les autres. James Dino et Albert, Cody et Paola, Dominique Watrin et Fabiola, avec aussi Camini. Aujourd'hui, les Boëls sont à l'université. Ah, buongiorno a tutti, buongiorno a frutti et buongiorno a tutti frutti. Ma toi vraiment un accent stupido. Qui tu es? Qui je suis? Mais je suis Rocco Siffredi. Bienvenue à mon université du Hard. L'université du Hard. Albertino, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, l'université du Hard? Qu'est-ce que c'est? C'est de l'anglais, ma Paola Chacha. Ça veut dire que c'est une université où les cours sont très durs. C'est l'université du Hard. Ah, les cours, ils sont durs. Mais j'espère que vous, monsieur Rocco, vous n'êtes pas trop dur. Moi, mais je suis tout le temps dur, ma bouteille. Tu vois que Rocco te montre? Non, pas pour le moment. Si nous sommes venus ce soir vous voir, c'est parce que je voudrais suivre des cours du soir. Est-ce que vous faites ça? Pas de problème, ma chérie. Rocco, il va même te donner des cours de nuit. Toute la nuit, si tu veux. Jusqu'à ce que tu aies appris ta leçon vilaine. C'est un Italien, mais du Mexique. C'est un Italien mexicain. Mais... comme vous êtes travailleur, félicitations. Mais dites-moi, nous on est surtout là parce que ma Paola bellissima ragazza, elle voudrait apprendre à mieux parler le français. Est-ce que vous donnez des cours de langue? Merci, c'est ma spécialité, la langue. Je vais tout apprendre, moi, ma poupée. La langue, elle va bien s'occuper de toi, tu verras. Eh bien, j'ai rarement vu un enseignant si dévoué. Encore bravo. J'ai une question. Les examens, c'est oral ou écrit? Les deux, Bella. Moi, Rocco, je t'ai fait l'oral et à la fin, j'ai crié. Et tu cries aussi. Alors, j'ai une autre question. Dans votre université, est-ce que vous faites des bizutages? Bah, si, évidemment que Rocco, il fait des bizutages. J'ai fait des bizutages dans les cous, j'ai fait des bizutages sur les ventres. Et mon préféré, les bizutages sur ta petite chatte. Ma petite chatte? Vous connaissez Misty Gris? Ah, ça fait longtemps qu'elle est morte, vous savez. Comment? Alberto, tu ne t'occupes plus de la petite chatte de Paola? Ben non, puisqu'elle est morte. Vous savez, elle était gentille, mais elle perdait beaucoup de poils avec l'âge. Bourse! Mais si, tu pourras même en toucher plusieurs. Dites, monsieur Rocco, j'ai une idée. Et si Fabiola et moi, on suivait vos cours ensemble, vous faites ça des cours à trois? Mais dites-moi, vous êtes vraiment coquine, vous deux, hein? Oh, dites, moi aussi j'ai envie de suivre vos cours. Répondez-moi franchement, monsieur Rocco. Est-ce que moi aussi, vous pouvez me prendre? Non, là, Rocco, il est plus d'accord. Mais si, vous n'aurez qu'à mettre entre Fabiola et Paola. Je suis sûr que vous pourrez m'insérer. Eh bien, Rocco, il va vous dire quelque chose. Votre famille, c'est du beau. Ah, ça, c'est du beau, mais on a quel? C'est qui? Des boules. Les enfants de cœur, le rendez-vous des décoincés du culte. Tous les dimanches, de 9h à 10h30, sur Vivacité. Vivacité à Liège. En toute complicité. Sur 90.5 FM. Vous en rêvez ? Les meubles César le font. Les meilleurs soldes de toute la région. Du salon épuré et design aux articles déco, les soldes aux meubles César, incomparables. Meubles César. Intimister Clermont est sur césarmeubles.be. Trouvez tous vos artistes préférés en live. De 18h à 20h, Vivacité est en concert. Dans un monde qui change, il est temps d'investir durablement. Savez-vous qu'un investissement durable peut donner plus d'impact à votre argent ? Un impact financier. Car pour BNP Paribas Fortis Private Banking, un tel investissement peut se montrer aussi rentable qu'un investissement traditionnel. Mais aussi un impact social et écologique. Car les entreprises dans lesquelles vous investissez ont une politique éthique et respectueuse de l'environnement. Contactez votre private banker chez BNP Paribas Fortis ou surfez sur investirpourdemain.be. BNP Paribas Fortis, la banque d'un monde qui change. Vous êtes en vacances à l'étranger, vous avez dû faire 3 librairies pour trouver un journal en français et il date de la semaine passée. C'est le moment de découvrir Le Soir Plus, la plateforme numérique des abonnés du soir. Vous y trouverez votre journal du jour à tout moment et n'importe où, mais également nos dossiers thématiques, nos archives et la sélection de la rédaction. Activez maintenant votre mois d'essai gratuit sur lesoirplus.be. Le soir, je lis, donc j'agis. Le best-of des enfants de cœur, tout au long de l'été, c'est un véritable chemin de croix. Et pour contacter toute l'équipe des enfants de cœur, vous pouvez le faire par mail, lesenfantsdecoeur@rtbf.be ou via notre répondeur, le 070 222 660. Dans notre best-of, tout de suite, le sermon de James Dino et le portrait de notre deuxième invité à Comines. Après Camini, voici l'inénarrable Lou de Preik. Le sermon du frère Dino. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, c'est le père Dino qui vous parle. Autant vous le dire tout de suite, aujourd'hui je suis tristouné. Je suis tristouné parce que je me rends compte que ma vie professionnelle est un échec. J'ai tout sacrifié pour mon boulot. J'ai été comme la faute derrière l'oreille pendant 30 ans et regardez aujourd'hui. Je viens bosser le dimanche matin pour faire mon sermon, il n'y a personne dans l'église. Obligé de venir faire le fanfaron dans cette émission de radio pathétique, vulgaire et diabolique. Diabolicus retebe brunimum vivacites. Il y a plus de monde dans les concerts de Dick Rivers que dans mon église. Vous vous rendez compte? Et pourtant, Dieu sait qu'il chante mal et que la traduction française de son nom est ridicule. Pouvez-vous nous rappeler la traduction de Dick Rivers en français? J'en sais absolument rien. Ben Rivers. La rivière, oui. Et Dick. Donc rivière de bite. Hein. C'est pas moi, c'est Dick. Ah mais non, ben c'est son nom. Il y a moins de vide dans la boîte crânienne d'Evangélie ou dans les couilles de DSK en sortant du Sofitel que dans mon église le dimanche matin. C'est pour vous dire, non mais vous êtes vulgaire là. Vous rigolez, mais moi, il y a 30 ans, je faisais mon sermon guichet fermé, j'étais complet tous les dimanches matins, je refusais du monde, hein. Quand j'ai été engagé dans l'église, on était le top du top en matière de religion. On avait des succursales dans chaque pays du monde, y compris chez les Noirs, les Shintok et les Arabes, chez tout le monde. On faisait les mariages, les baptêmes et les enterrements. Rien qu'à la quai du dimanche matin, je pouvais payer mon pressing pour changer de soutane tous les jours, j'étais impeccable. Il n'y a pas une personne dans le monde qui connaissait pas notre CEO. Il avait fait sa remonte. Ah, vous voulez pas fermer le magasin pendant les grèves? Allez, tiens, viens-y que je prends toutes les jets là-bas, je les jette par terre, viens-y que je crie devant tout le monde. Qu'est-ce qui... Il y a aussi une autre famille qui aimait pas Jésus, c'était la famille de la pauvre femme qui allait se faire lapider, là. Eux aussi, ils ont pas aimé. Pourtant, Jésus avait failli lui sauver la vie à cette femme. Elle allait se faire lapider, elle a dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Le problème, c'est que la scène se passait sur les bords du Jourdain, là, avec des pêcheurs dans le coin, évidemment, hein. 600 cailloux dans la tronche en 6 minutes, elle s'est pris. Même le type de shaker glace n'a rien su faire. Enfin bon. Qu'est-ce qu'il y a? Enfin bon, si je viens ici, c'est pour vous supplier de revenir, évidemment. Hein. Me laissez pas tout seul. Hein. Venez voir votre vieux père. Hein. Passez dimanche prochain. Je vais passer au Colleret chercher du Beaujolais nouveau. Allez, venez. Et prenez les gosses avec, j'ai des hosties en chocolat. Et prenez les tablettes, j'ai fait installer le wifi aussi. Et s'il y a des musulmans qui écoutent, venez aussi, vous êtes les bienvenus. Alors vous, je sais, vous pouvez pas boire le vin de messe. Pour vous, je vais faire du thé à la menthe, de messe. Et les athées, venez. C'est nul, ça. Moi, j'aime bien. Ouais. Et les athées, venez aussi pendant le sermon. Pour vous, je vais faire projeter le film Titanic. C'est l'histoire d'un grand bateau qui coule. Ça ressemble un peu à l'histoire du catholicisme, c'est excellent. Vous venez voir. Allez, je suis sûr que la semaine prochaine, vous serez là et je serai déjà très heureux de ça. Allez, à dimanche prochain, je vous aime. Hein. Et nous aussi, on l'aime. Game Nino. En cherchant un peu sur Internet, Camini, j'ai découvert que vous vouliez aussi être chanteur de variété. C'est vrai. Et depuis tout petit, d'ailleurs. C'est vrai. Allez, une voix comme ça, là, en direct. Ah, bah, celle que je maîtrise le mieux, on va dire, c'est peut-être Véronique Sanson, alors. Hein. Oui, fabuleux. Besoin de personne quand tu n'es pas là. Voilà, c'est... C'est excellent. Lui aussi, c'est un grand imitateur. Ah oui. Oui. Allez, Belmondo. Bonsoir, Camine. Comment ça va? La dernière fois que je suis venu, je suis rentré dans Raymonde. On était complet. Maïté. Oh, Berlon, le coco. Jean-Pierre Coff. Mais c'est de la merde. Écoute, Maïté qui imite... Christophe Maé. Qu'on s'attache et qu'on s'empoisonne. Vous avez choisi ce prénom de loup. Bon, quand j'étais jeune, je voulais faire partie d'un mouvement de jeunesse, mais mes parents ont refusé. Du coup, j'ai fait des études de vétérinaire. Je comprends pas. C'est quoi le rapport avec votre prénom? Ben, je suis enfin devenu un loup veto. Hey, elle est mieux que ta blague avec les signes et ton groupe. Hein. Alors, vous êtes quelqu'un qui bouge beaucoup. Du coup, je me pose une petite question. Où est-ce que vous vivez en ce moment? En Belgique, en Thaïlande? T'es où, mon loup? Oh, tu sais, mon canard, je vis un peu partout. J'ai vécu en Jamaïque, aux États-Unis, en Haïti, et je n'ai jamais été propriétaire, c'est toujours des locations. Ah bon? Tu loues, loup? Allez, changez de page. Oui, mais ceci dit, je possède quand même un bar qui est réservé uniquement aux bad boys. Ouh, aux petits voyous de banlieue. Il s'appelle comment, ce bar? Le loup bar. Ouais, bon... C'est pas idiot. Je sais que la Thaïlande occupe une place importante dans ta vie, alors quoi pour la Thaïlande? Ah, j'adore ce pays, j'ai enregistré plusieurs chants en Thaïlande. Tu en sais, j'en ai par exemple enregistré un sur un célèbre peintre espagnol. Un chant sur un célèbre peintre espagnol, lequel? Picasso? Non, Goya. Et il faut vraiment que tu écoutes mon chant Thaï Goya. Pattaya, Pattaya, Puying Love Your Magma. Ce chant Thaï Goya, vous l'avez enregistré en Thaïlande? Dans une cave en dessous du loup bar. Oui. Ça sonne mieux quand tu enregistres des chants Thaï Latsou. Oui. Oui. Oui. Ça, c'est dur. En tout cas, quel cas. En tout cas, j'ai envie de dire, quelle carrière. Les Two Man Sound, les Loup de Bananas, évidemment, on peut pas en passer à côté. Hein, la chanson Sa Plainte pour moi, qui est sans doute la chanson belge la plus connue au monde. Là, il y a eu ce procès avec Plastic Bertrand pour savoir qui a vraiment chanté la chanson. Petite anecdote, Plastic Bertrand, ça c'est vrai, le vrai nom de Plastic Bertrand, c'est Roger Jouret. Oui, d'ailleurs, je lui ai proposé à l'époque de faire une reprise sous son vrai nom. Ah bon, une reprise de quelle chanson? J'aurais voulu être un artiste. Ça colle bien en plus. On l'a évoqué tout à l'heure, vous avez aussi vécu aux États-Unis. À Miami. Oui. J'avais comme voisin Michel Sardou, Céline Dion et Jack Nicholson. Ah oui, Jack Nicholson était votre voisin à Miami et vous étiez copain? À Miami. Oui. Et vous étiez copain? C'est ce qui est marqué sur la lettre. Oui. On était à Miami. Ah, vous étiez à Miami, ok. Bon, alors pour terminer, Lou, j'imagine que vous avez plein de projets. Est-ce qu'on peut savoir quel sera le prochain? Eh bien, je vais enregistrer une chanson avec Garou. Oui. C'est sans que ça va cartonner. Un duo loup-garou. Ben. Eh bien, ok. Ok, voilà. On y est arrivé. Oui. Merci, mon petit loup. Merci, mon petit lapin. Retrouvez les enfants de cœur en podcast et vidéocast sur vivacité.be et sur la page Facebook de l'émission. cuisine Krefeld. Nos soldes, c'est jusqu'à moins 30% sur toutes les cuisines sur mesure. Cuisine Krefeld, mon rêve, ma cuisine. T'as joué quoi comme signe astrologique pour ton Joker Plus ? Poisson. J'aurais parié. Vif, sensible, créatif, mais oui, t'as tout du poisson. Ah mais non, moi je suis bélier, hein. Ah bon ? Ouais, mais on était vendredi, et vendredi c'est le jour du poisson. Aujourd'hui, je vais jouer balance. Pourquoi balance ? Mais parce que je commence un régime. Vous pouvez jouer à Joker Plus chaque jour. Par mise d'un euro cinquante, vous avez une chance sur 3,88 de remporter un gain et de faire de ce jour votre jour. Joker Plus. Chaque jour est un jour de chance. Génie comique, mais comme toujours, j'ai rien trouvé. En réalité, j'avais pas vraiment envie. Comme beaucoup, j'aurais voulu arborer l'étendue de ma plume et pourfendre l'ignominie, obnubilant l'homme dans sa vaste ruée vers la bêtise. Mais ça sonnait faux, parce que j'avais un petit peu mal, et face à l'ego de mes mots, résonnait l'écho de ces mots, façonnés par horreur. Dès lors, comment s'inscrire à nouveau dans la culture de la joie et de la bisounourserie contemplative, quel angle vivant choisir pour faire fleurir vos petits sourires et vos petites moustaches? Je tente en vain de rallumer une étincelle avec quelques pirouettes gaudriolesques sur le vendredi 13, mais j'entends déjà certaines mauvaises papilles buccales clamer que je devrais faire comme Maggie Le Bloc, peser mes mots. J'accepte, mais je réalise quand même que grâce à ce tumulte, nous avons échappé à la finale de Secret Story. Comme si une certaine justice avait anticipé l'effroi. Alors, je ne sais pas si on peut rire de tout, je pense que oui, mais pas tout de suite. Et puis, en vérité, je fais souvent ce même rêve stupide, je vous l'avoue, je rêve d'un monde heureux. Un monde sans ses glands, sans glands. Un monde en paix, un monde sans gluten. Dans lequel je milite pour la LDI, la libération des intestins. Nos revendications sont simples. La suppression des diarrhées subites. L'opposition aux bolets de pâte, aux tranches de pain beurrées à la hâte. Je suis pour un monde sans gluten. Et c'est pas tout. Je suis pour un monde sans huile de palme, sans lait de vache, sans viande rouge, jaune, verte, sans colorant. Je suis pour un monde sans salade, sans navets. Je suis pour un monde sans potager, sans poteau rose. Je suis dans un monde sans gibier, sans vigne et sans vergogne. Bref, je suis pour un monde composé uniquement d'amour pétillant et d'eau plate mais fraîche. Je suis pour un monde composé uniquement de femmes. Mais fraîche. Plate et fraîche. Un monde uniquement composé de femmes et de moi. Moi tout seul. Comme un petit coq en pâte, chouchouté de tendresse et d'harmonie, butinant ses poitrines offertes et généreuses, m'alimentant de baisers fougueux, d'étreintes sublimes, de coïts pointus, n'étanchant ma soif qu'aux sources d'un corps de rêve brûlant, réservé et destiné à mon unique satiété comme une gourde personnelle, une amphore jouissante, une bouteille à mon nom. Tout seul. Je rêve d'un monde où merci, s'il vous plaît, je vous en prie. Oui, ce soir, chérie, serait le premier des vocables appris à l'école. Je rêve d'un monde où la phrase « solde insuffisant » ne pourrait s'écrire nulle part. Je rêve d'un monde où les droits de succession, les taxes de roulage, les taxes sur la valeur ajoutée n'existent pas. Je rêve d'un monde où l'argent ne circule pas. Je rêve d'un monde où personne ne me donnera une petite claque en m'ordonnant d'arrêter de rêver. Où réussir l'impossible intervient juste après le nécessaire. D'un monde où l'on pourrait arrêter le monde. Juste pour descendre sur le quai avant de remonter. Je rêve d'un monde sans gluten. Promis, demain j'arrête de rêver. Et j'écris une vraie chronique. Hey ! Applaudissements pour Claudie. Vous voulez une chanson ? Oui ! Jean-Luc ? Oui. Une chanson ? Ah, c'est moi ? Oui, Jean-Luc. Et laquelle ? La première s'appelle AD80. Connaissez les paroles ? Oui. Là, il y a encore rien. On fait les chœurs. C'est ça. On était les tout nouveaux maîtres d'un tout nouveau monde de plastique. On était sur notre planète. Quelle parole ? Où tout était électronique. On rêvait de vidéoclips. Avec des chevals blancs et des colombes en plastique. On faisait de la musique bizarre, du genre manœuvre orchestrale. Dans le noir, dans ce tournant. ah, ah, n'entends rien, n'entends rien. Années 80, années 70. J'ai failli m'emballer, tu as vu? J'ai failli casser ma hanche. On appuyait sur tous les boutons. On fabriquait des nouveaux sons. On répétait dans un sous-sol. C'est vrai qu'on jouait comme des caves. On répétait dans un sous-sol. À chaque fois c'était pire, plus grave que parole. On se prenait pour des requins de studio, mais on n'était que des sardines de bistrot. Attention. N'entends rien. N'entends rien. Années 80. Allez-y. Années 70. Ah, c'est le solo. Quelle ambiance, ouais. Avec tout le grand orchestre que je vais accueillir. Wouhou. Jerry. Dans notre groupe, il y avait Léon qui buvait son vin rouge en jouant du Saint-Émilion. Et il y avait aussi Pierre-Henri qui lisait Le Petit Prince en jouant du Saint-Exupéry. Il y avait bien sûr Napoléon qui se prenait pour Verlaine et qui jouait du Sainte-Hélène. Et puis il y avait Lisa la Blonde qui nous amenait à voir en disant « Sainte et tout le monde » qu'elle disait Lisa la Blonde. Quel plaisir de passer le dimanche en votre compagnie. Surtout, ne bougez pas, ne changez rien. Les enfants de cœur reviennent dans un instant après les informations de 10h. Au programme, le feuilleton Les Boëls, Jean-Michel, Dominique Watrin et Cody. À tout de suite. La Chimée dorée. Caractère, fraîcheur et légèreté pour l'été. Chimée, les accords bières et fromages depuis 1876. Très belle matinée à toutes et tous. C'est une très belle journée qui nous attend aujourd'hui avec un soleil qui va nous accompagner tout au long de ce dimanche. Il sera à peine masqué par quelques voiles nuageux ce matin et un peu plus de nuages cet après-midi, mais sans conséquence, à l'exception peut-être d'une faible averse très rare possible par endroit. Il fait doux déjà ce matin et les températures vont continuer de grimper aujourd'hui, 25 degrés sur les hauteurs et en bord de mer et 26 à 29 degrés partout ailleurs. Le vent du sud-ouest va lui se lever en cours de journée et rendra la chaleur tout à fait supportable. Gardez votre voix pour The Voice. The Voice revient, les auditions sont ouvertes. Inscrivez-vous et grande nouveauté, vous pourrez aussi inscrire un ami. Rendez-vous sur rtbf.be/The Voice. Vivacité et la foire de Libramont présentent L'agriculture, une question de vie. Signez la pétition pour une juste rémunération de l'agriculteur sur www.foiredelibramont.com/pétition. Et rendez-vous tous à Libramont du 22 au 25 juillet. Info sur www.foiredelibramont.com. Un bon plan ? c'est ne pas devoir choisir entre un nouveau smartphone et faire du shopping. Oh, un nouveau smartphone ? Ah oui, ça sonne bien, ça. Et une nouvelle robe ? Ça sonne bien aussi. Sinon, m'offrir les deux, je peux ? C'est possible. Jusqu'au 15 août, le Huawei P8 Lite est à seulement 29€ avec Dauphin 25 smartphone dans votre shop Orange. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Conditions sur orange.be. Moi, j'aime les produits qui me font voyager. Avec nos bonnes pêches, vous êtes immédiatement transporté sous le chaud soleil du sud, hein, petit. Mordi, fermez les yeux, paf, vous êtes 1500 km plus au sud. Nos bonnes pêches juteuses et sucrées, elles valent le déplacement. Jusqu'à mardi, chez Carrefour Market, nos bonnes pêches jaunes en vrac sont à seulement 1,89€ le kilo. Carrefour Market, la fraîcheur comme vous l'aimez. Vous êtes bien branchés sur Vivacité, il est 10h. Le journal en compagnie de Julie Buron. Bonjour à tous, c'est le jour J en France. Après un mois de compétition, place à la finale de l'Euro. L'affiche est connue, le Portugal affronte le pays organisateur. La France aura évidemment l'avantage du public, mais pour le coach Didier Deschamps, une seule chose compte aujourd'hui, gagner, gagner et encore gagner. Quand on est dans le sport loisir, c'est le plaisir, c'est l'amusement. Quand on est dans le sport de haut niveau et la compétition, voilà, c'est gagné. Il n'y a rien de plus beau que gagner. Après, il faut accepter quand ce n'est pas le cas. Mais avant d'accepter ça, il faut tout faire pour y arriver. Après, le football, ce n'est pas une science exacte. Il suffit de peu de choses par moment. Mais quand on a le sentiment d'avoir tout fait, tout donné, déjà, on n'a pas de regrets. Et puis, on est animé par cet état d'esprit au quotidien. Un coup d'envoi de cette finale de l'Euro au Stade de France à 21h. Il n'y a pas que l'Euro de football qui se termine ce soir. C'est aussi le dernier jour pour l'Euro d'athlétisme à Amsterdam. Une dernière chance pour la Belgique d'obtenir une troisième médaille. À 18h50, le relais belge, 4 x 400 mètres, dispute la finale. Le coach Jacques Borlée étudie l'équipe qui courra ce soir. Je dois parler avec les gars pour savoir qu'est-ce qu'ils vont faire. On avait convenu que personne ne court plus de 3 courses ici au championnat d'Europe parce que la 4e course, elle pèse lourd dans les jambes pour la préparation pour Rio. Donc je vais parler avec les gars et on va voir qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils veulent faire et comment ils sont enthousiasmés par l'équipe et comment ils veulent faire un effort supplémentaire ou faire un pas de côté. Donc voilà, ça c'est les discussions qui sont importantes au sein du team. Jacques Borlée au micro de Gaëtan Van Kerckhove. La 9e étape du Tour de France part ce matin de Viella-Val d'Aran en Espagne. C'est la dernière étape des Pyrénées avec de gros dénivelés au programme. Les coureurs sont attendus à Andorre-Arcalis après 184 km. Greg Van Avermaet a perdu le maillot jaune hier au profit du Britannique de l'équipe Sky, Christopher Froome, qui est devenu donc le leader. Mais les autres coureurs le suivent de très près au chrono. Le ministre flamand de la mobilité, Ben White, veut bloquer les GSM dans les camions. Objectif, moins d'accidents sur les routes. D'après le ministre, tout en roulant, les camionneurs regardent des films, téléphonent au volant sans quitte main libre, consultent leurs mails. Inacceptable pour lui, mais pour l'UPTR, l'Union professionnelle du transport, le GSM est interdit au volant, c'est clair, mais c'est aussi le cas pour tout le monde. Alors pourquoi une mesure pour les camionneurs en particulier ? Il demande au ministre d'attaquer ce problème dans son ensemble et de ne pas stigmatiser les routiers. Un important incendie hier soir à Jemmeppe-sur-Meuse dans l'entité de Serein. Le feu s'est déclaré vers 23h30 dans une habitation. Les pompiers de Liège sont aussitôt intervenus. Une personne a été hospitalisée. Ses jours ne sont pas en danger. Par contre, les dégâts matériels sont importants. Et ce matin, on apprend que le feu a repris. Les pompiers sont donc retournés sur place. Une invitation à se jeter à l'eau aujourd'hui à 15h. C'est le Big Jump. Le concept est simple. Le même jour, à la même heure, des citoyens de toute l'Europe se jette à l'eau pour montrer leur attachement à leur rivière et surtout demander qu'elle ne soit plus jamais considérée comme des égouts. Pour trouver un endroit où plonger, rendez-vous sur le site bigjump.be. Le point RTBF Mobile Info avec Adrien Demey. Adrien, il y a des ralentissements sur l'autoroute de la mer. Oui, il fait beau et donc plus de trafic déjà à cette heure-ci sur le 40 Bruxelles-Ostende. Ce qui complique la circulation, c'est évidemment le chantier installé depuis hier entre Herpemer et Zwijnaard. Vous perdez une vingtaine de minutes sur ce tronçon Herpemer-Zwijnaard à présent. C'est en direction du littoral. Attention également aux éventuels coups de frein et ralentissements à l'approche d'Anzy sur le 19 venant de Mons en direction de la France. Et puis sur le 17 venant d'Anvers vers Lille, vous perdez une dizaine de minutes dans 3 km de ralentissement à l'approche de Requiem, à l'approche de la frontière en direction de la France. Vous n'avez pas été agile à Binche ? Etia, c'est là dans les 30 minutes. Un problème sur la route ? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et les enfants de cœur sur Vivacité, eh bien c'est avec Jean-Jacques Brunin. Merci, c'était le journal de Julie Buron. Tout de suite, la suite des enfants de cœur. En juillet chez Ego, profitez de 25% de remise sur votre nouveau placard ou dressing sur mesure. Ego, la cuisine de ma vie. Le meilleur et le pire des enfants de cœur. Excellent dimanche matin à l'écoute de Vivacité, c'est le retour des enfants de cœur, le best-of jusqu'à 10h30, j'espère que vous allez bien, peut-être êtes-vous en congé, donc profitez-en bien. Voici dans la foulée Dominique Watrin qui a mis les petits plats dans les grands pour l'anniversaire de Snoopy. Les enfants de cœur. Je ne sais pas pour vous... Mais pour moi, il y a deux sortes d'anniversaires. Ceux où je me dis « chouette, c'est quand ?» et ceux où je me dis « zut, c'est quand ?» Il y a deux semaines, j'ai reçu un carton glissé par ma voisine Fernande dans ma boîte aux lettres. Et c'est tout de suite la deuxième phrase que je me suis dite. Sur le papier, il était écrit « Mon chien Snoopy est heureux de t'inviter à fêter ses 5 ans avec lui » ce samedi 31 à 14h. Et au verso du carton, il y avait une liste de cadeaux que Fernande avait déposée à la supérette du quartier. Babal, 3,49€. Nonos, 4,29€. Boîte de sucre, 2,39€. Et panier pour faire des coucouches, 27,19€. Résigné, je n'ai pas hésité. J'ai filé acheter la baballe en me disant « C'est un classique qui ne se démode pas et qui fait toujours plaisir. » Le jour J, quand j'ai offert son cadeau à Snoopy, j'ai immédiatement compris que ça allait se compliquer. Fernande m'a dit « Snoopy n'a jamais eu de baballe. Montre-lui comment on joue. » Et elle a lancé la balle dans son living. Serviable, j'ai donc couru la chercher à quatre pattes et je l'ai ramenée à Fernande qui m'attendait dans son fauteuil. Le problème, c'est que j'avais été le seul à courir. Snoopy, ce n'est pas qu'il est totalement bête, mais c'est le genre de chien que si ça avait été un chat, ce sont les souris qui l'auraient capturé. Quand Fernande a relancé la balle pour que je remonte à Snoopy, j'ai hésité à repartir. La première fois, je l'avais fait de bon cœur, mais je ne comptais pas non plus devenir champion olympique de baballe. Bon bougre, j'ai cependant à nouveau couru, et cette fois, j'ai attrapé la baballe avec ma bouche, pour faire comprendre une fois pour toutes à Snoopy le principe du jeu. Je n'aurais pas dû. Quand je me suis présenté devant Fernande, plus moyen de recracher cette balle. En fait, je l'ai découvert ce jour-là, l'ouverture de la bouche d'un chien est plus grande que celle d'un homme. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais chez nous les humains, quand la balle passe plus loin que les dents, on ne sait plus la faire ressortir en sens inverse. le plus dur lorsqu'on a une babale coincée dans la bouche, c'est d'expliquer ce qu'on a. Au début, Fernand m'a d'abord secoué la tête en tenant la babale, croyant que je voulais continuer à jouer avec elle. Heureusement, j'ai réussi à lui baragouiner et à lui tracer un SOS dans la main quand elle a insisté pour que je lui donne la papate. Et elle a appelé le secours. Une heure plus tard, quand le vétérinaire de garde est arrivé, j'avais déjà pas mal inondé mon pull de bave à cause de ma bouche qui ne fermait plus. Très professionnel, le gars m'a d'abord attaché avec un collier et une laisse au pied du fauteuil pour que je ne me débatte pas. Je me suis donc retrouvé couché sur le carrelage et le vétérinaire a commencé à me dire « Respirez, respirez, bloquez !» puis « Poussez, poussez, poussez, poussez !» en me caressant la tête. Entre deux allaitements, je poussais alors de toutes mes forces avec ma langue la babale que le vétérinaire tenait avec un grand forceps pour les accouchements des vaches. Finalement, ce n'est que 20 minutes plus tard, sous le coup du sursaut que j'ai eu quand le vétérinaire a prévenu Fernande qu'il allait devoir faire une césarienne, que j'ai su expulser la balle. Aussitôt, Snoopy a couru la chercher à toute vitesse et ce con me l'a rapporté pendant que Fernande s'écriait en nous montrant « Regarde, il remue la queue !» Et là, je suis formel, elle parlait de Snoopy. Parce que moi, je vous le jure, je n'avais vraiment pas la tête à ça. Dominique Poitras dans Les Enfants de cœur. Le répondeur des Enfants de cœur écoute vos confessions 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, au 070 222 660. 070 222 660. Voltaren est un médicament au diclofénac. Pas d'utilisation prolongée sans avis médical. Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans en cas d'hypersensibilité aux agents anti-inflammatoires non stéroïdiens ou en cas de grossesse. Lire attentivement la notice. Aujourd'hui, on va travailler les genoux. On se couche sur la plage et on se lève une fois pour les enfants. Ils veulent de l'eau dans le petit seau et on se recouche et on se relève. Ben oui, il faut leur mettre de la crème, allez. Retrouvez le plaisir de bouger grâce à Voltaren et Mulgel Forte contre les inflammations douloureuses de vos articulations. Une seule application toutes les 12 heures. Soulage votre douleur durablement. Vivacité, la une présente... Une princesse. Une fée. Attention à la sorcière. Elle va nous empêcher de retrouver le dragon. C'est magique le labyrinthe d'Urbuy. Princesse ou chevalier, venez vivre une aventure extraordinaire dans le labyrinthe de maïs géant de Barbeau d'Urbuy. Préparez votre parcours magique sur lelabyrinthe.be. Méga solde chez Plumard. Jusqu'à moins 65% sur des centaines de matelas, sommiers, lits, box springs, linge de lit. Plumard. Il y a toujours un Plumard près de chez vous, à Rocourte et Verviers, ou sur plume-art.be. Plumard. Vivacité et la 2 présente le meeting international d'athlétisme de la province de Liège. De l'athlétisme de haut niveau à Némette-Auvémont, le mercredi 13 juillet à 20h. Venez applaudir Nafitiam et les autres Belges dans leur dernière ligne droite pour les JO. Plus d'infos sur meetingliège.be, avec le service des sports de la province de Liège et la Loterie Nationale. Et si vous changiez d'air? Pour une fois, connectez-vous à la nature. Forestia, aventure au cœur de la forêt. Forestia.be. Le meilleur des enfants de cœur ou le pire? Ah, nous avons comme ça pendant une saison quelques excellents souvenirs, notamment à Biou, où nous recevions Carmelo Giusto et Stéphane Cuvelier pour évoquer la pièce de théâtre Les Deux Soucis. Et nous avions également Jean-Michel de Bénezet, l'inénarrable philosophe wallon. Allô, quoi hein? Cet homme a un mauvais fond. Hein. Non, ben déjà, on ne sait jamais si on a encore une place dans le coffre pour retourner sur Liège. Parce que je commence à avoir le mal du pays. Et il faut que je sorte mon chien, il n'est plus étanche, elle. Moi non plus, d'ailleurs. Et alors, il m'en est encore arrivé une bonne... Hein. Je sais bien, il y a des endroits où je ne dois plus aller, hein, les hôpitaux par exemple. Pourtant, j'ai été en visiteur là. J'ai comme dit mon imbécile de voisin, et pour une fois il a raison, les hôpitaux, c'est comme les prisons et les cimetières, vaut toujours mieux y aller en visiteur. Hein. Et, hein, sauf moi, en fait. J'étais allé voir l'homme, c'est de l'amical, mais il est non-voyant. Hein. Et il venait d'avoir son anniversaire, et pour lui faire une blague, ils lui ont mis un pull mauve et ils ont été le déposer devant le standard. Il a morflé, hein. Les gens sont mauvais, hein. Et alors j'avais été lui rendre visite et je retourne, donc, mais maintenant je suis un peu dans les ascenseurs et tout ça, astrophobe, comme on dit. Ça fait que je redescends par l'escalier. Mais il n'y a personne qui descend par les escaliers. Sinon, il ne se serait pas cassé la tête à foutre des ascenseurs. Hein. Et voilà que je tombe. Je ne sais pas si c'est le choc ou quoi, mais j'avais l'impression que je ne savais plus bouger, que j'allais rester là toute ma vie, enfin. Ça fait que je veux téléphoner. Mais je n'avais pas le numéro de cet hôpital-là, parce que j'y avais jamais été. C'est un des rares de la région liégeoise où je n'ai pas été. Ça fait que je prends la dernière solution, je me dis, je vais faire le 112. C'est là que mes ennuis ont commencé. Parce que l'homme, il décroche, oui, 112, oui, ben je dis, je suis tombé dans l'escalier, je ne sais plus bouger. Monsieur, on va venir vous chercher, où êtes-vous? Je dis, je suis entre le deuxième et le troisième étage. Mais il me dit, où? Là, j'ai bien senti que ça allait se corser. Je dis, je suis à l'hôpital. Il me dit, vous vous foutez de nous, qu'il me dit. Vous voulez qu'on vous envoie une ambulance à l'hôpital? C'est une blague ou quoi? Attention, c'est enregistré. Je dis, mais monsieur... On ne choisit pas où on tombe. Hein. Oh, ça a encore été un fameux pavé dans mon existence, ce bazar-là, parce que, à Comino à Bénezet, là, il a quand même tout dit quelque chose qui ne va pas. Bravo! Magnifique! Jean-Michel! Pour écrire aux enfants de cœur, notre adresse, c'est lesenfantsdecoeur@rtbf.be. Les meilleurs soldes chez Électro-Rouard à Verlaine, bien sûr. Des prix imbattables en électroménager, TV, Hi-Fi. Des prix massacrés dans les plus grandes marques, mais toujours un service irréprochable. Les vrais soldes vous attendent chez Électro-Rouard, grand route à Verlaine. Surfez sur électrorouard.be. Rouard, c'est plus sûr. Gardez votre voix pour The Voice. The Voice revient, les auditions sont ouvertes. Inscrivez-vous. Et grande nouveauté, vous pourrez aussi inscrire un ami. Rendez-vous sur rtbf.be/The Voice. Vivez un moment d'émotion, d'émerveillement hors du temps dans un lieu magique. Mélange étonnant d'art, d'histoire et de médecine au cœur d'un couvent hôpital du Moyen-Âge. L'hôpital Notre-Dame à la Rose à Lessines. Toute l'info sur www.hôpitalnotredamealarose.com avec le soutien du Commissariat Général au Tourisme de Wallonie. Retrouvez les observations et les prévisions météo sur rtbf.be. La Chimée dorée. Caractère, fraîcheur et légèreté pour l'été. Chimay, les accords bières et fromages depuis 1876. Vivacité.

Tu veux m'aider, mon Philippidou? Je vais faire tourner la table. Mais non, ma Mathilda, dada, il faut pas faire ça. On a des domestiques, c'est leur boulot de tourner les tables, si tu veux les tourner. Tu veux qu'ils la tournent vers la fenêtre? Non, faire tourner la table, je ne sais pas moi, invoquer les esprits. Toucher à l'au-delà. L'au-delà? Tu veux que j'aille te chercher une bouteille de sparène? Dis, je me posais une question tout à l'heure. Si toi, tu bois de la sparène, est-ce que nos filles doivent boire de la spa-princesse? Bon, assieds-toi et pose tes mains sur la table. Et maintenant, répète avec moi. Esprit, es-tu là? Esprit, es-tu là? Ouh, ouh, ouh. Ça marche! J'entends un fantôme! Oh, je vois une forme humaine apparaître dans l'entrée. Oh mon Dieu! Mon filou, j'ai peur! Je vois une dame blanche! Super! Je vais chercher deux cuillères et de la chantilly. Mais non! Je vois une dame tout habillée de blanc. Oh oui, je la vois aussi. Mon Dieu, elle sent vraiment fort. Elle doit être morte depuis très très longtemps. Bonjour, bonjour. Qu'est-ce que vous faites? Ah, Fabiola! On est allé trop loin, mon filou. On a ramené l'autre Fabiola d'entre les morts. Mais non, je ne suis pas morte, je suis toujours vivante. Ah oui, c'est vrai, on l'oublie à chaque fois. Mais pourquoi vous poussiez ce petit cri alors, tante Fafa, ce... C'est parce que j'ai chantonné la chanson du film Grease. You are the Taiwan, you are the one. Allez, venez faire un tour de la table avec nous. Je suis sûr qu'il y a un esprit qui hante ce château. Ah si, c'est peut-être l'esprit de mon Baudouin. Ce serait magnifique que je puisse rentrer en contact avec lui. Vous voulez lui exprimer tout l'amour que vous avez pour lui, c'est ça? Non, j'ai perdu la clé de mes coffres-forts. Peut-être que lui, il sait où elle est. Concentrons-nous. Esprit, es-tu là? Si tu es là, frappe un coup. Si tu n'es pas là, frappe deux coups. Ah mince, il n'est pas là. Mais si je suis là, qui sont bien, je vous jure, qu'est-ce que vous voulez? Je le savais, notre château est hanté. Esprit, nous voulons savoir qui vous êtes. Vous voulez savoir qui je suis? Eh bien, je suis né le 9 avril 1832, petit-fils de Louis-Philippe Ier. Je suis également le frère de l'impératrice du Mexique, Charlotte, le 22 août 1853. J'épouse Marie-Henriette de Habsbourg, Lorraine archiduchesse d'Autriche et princesse d'Hongrie. Je deviens roi des Belges le 17 décembre 1865 et... Yes, sir. Tout est Léopold II. Oui. Bonne réponse, Fabiola. Bravo, Fabiola. Vous remportez l'encyclopédie mondiale des chaises percées en 10 volumes. On l'applaudit bien fort. Merci. Mais dites-moi, c'est Léopold II? Parce que moi, j'ai pas vu le premier, donc je vais rien comprendre, alors. Léopold II hante notre château. J'en aurais mis ma main à couper. Ça, c'est marrant, parce que c'est exactement ce que me disaient les Congolais à l'époque. Bon, si vous n'avez plus besoin de moi, je vais aller hanter la maison de Bart de Weaver. De Bart de Weaver? Mais pourquoi? Ah, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il soit le seul à nous faire peur. En tout cas, je voulais vous dire une chose, notre famille, c'est du beau. Hein. Ah, ça, c'est du beau, hein. Mais on a quel, hein? C'est qui? Les Boels. Nous avons passé un très très bon moment en votre compagnie depuis 9h ce matin pour le premier best-of des Enfants de Cœur. Nous revenons évidemment dimanche prochain pour la suite des souvenirs de toute l'équipe dans quelques instants. Ces années-là avec Thomas Lorides. Bonne journée, bon dimanche. Retrouvez votre météo au 0900 277 70, 50 cents l'appel. La Chimée Dorée. Caractère, fraîcheur et légèreté pour l'été. Chimay, les accords bières et fromages depuis 1876. Personnellement, j'aime bien les plats traditionnels. Nous aussi, on aime les plats traditionnels. Oui, monsieur Marc. Et en Belgique, qu'est-ce qu'il y a de plus traditionnel qu'un bon plat de moule? Deux bons plats de moule, plus un gratuit. Petit. Bah quoi, c'est la promo, monsieur Marc. 2 kilos, plus un gratuit. Jusqu'à mardi, chez Carrefour Market, nos bonnes moules de Zélande super sont en 2 kilos, plus un gratuit. Carrefour Market, la fraîcheur comme vous l'aimez. Avec nous, l'euro est bleu, blanc, but. Voici l'affrontement ultime, la finale de l'UEFA Euro 2016. Deux nations, un seul vainqueur. Portugal, France, à suivre dimanche soir sur la Une, Vivacité et rtbf.be/ovio. Enflammez le supporter qui est en vous. Dès lundi, Vivacité vous emmène au Futuroscope près de Poitiers. Gagnez vos entrées famille pour aller découvrir les héros de l'âge de glace, une nouvelle aventure en 4D totalement givrée, sans oublier la machine à voyager dans le temps avec les lapins crétins et Arthur. Dès ce lundi, vivez l'expérience du Futuroscope avec Vivacité en écoutant le 5 à 7. Tour de France 2016. Chris Froome qui mène un peloton. Ce dimanche 10 juillet, 9e étape, 184 km 500 en montagne entre Vielle-à-Val d'Aran et Andorre-Arcalis. Bonjour à tous. Avant ces années, la direction la route du Tour de France avec Samuel Grulois. Nouvelle étape aujourd'hui, une étape qui se déroulera intégralement hors du territoire français. Salut Samuel. Salut Thomas, effectivement 184 km 500 entre Vielle-à-Val d'Aran, c'est dans la province de Lérida en Espagne, et Andorre-Arcalis sur les hauteurs d'Andorre-la-Vieille, bien plus haut encore en altitude. Nous allons arriver aujourd'hui à 2240 mètres dans une station de ski qui attire également beaucoup de touristes en été, beaucoup de touristes espagnols qui viennent ici en famille dans cette grande station. Andorre n'est pas le plus grand pays d'Europe évidemment, la principauté d'Andorre, mais il y a ici moyen de faire en tout cas du tourisme très nature dans les bois, dans les montagnes, mais aussi du tourisme donc d'hiver. Une fois la neige venue, voilà pour la parenthèse touristique, mais effectivement la plupart et la majorité d'ailleurs des kilomètres de cette étape seront disputés sur le sol étranger. 120 km en Espagne, 64 dans la principauté d'Andorre, et des difficultés vraiment à n'en plus finir. Le port de la Banaiga, col de première catégorie, le port del Canto, col de première catégorie, le col de Béchalis, col de première catégorie, la côte de la Comella, côte de deuxième catégorie, et puis enfin la montée vers Andorre-Arcalis qui est classée hors catégorie. On considère cette étape comme l'étape reine des Pyrénées cette année, d'autant plus que l'arrivée a lieu au sommet. C'est différent d'hier où on arrivait dans la vallée du côté de Bagnères-de-Luchon. Cette arrivée au sommet pourrait provoquer des écarts bien plus importants qu'hier, lorsque notre ami Christopher Froome a attaqué de manière assez impressionnante et inattendue pour marquer le coup, plus psychologiquement que mathématiquement, puisqu'au classement il ne compte que entre guillemets 16 secondes d'avance sur ses plus proches poursuivants. Mais si Froome est dans la même forme aujourd'hui qu'hier, il pourrait sans doute marquer le coup. Il aura sans doute en tout cas envie sur cette dernière ascension d'enfoncer ses adversaires, à eux évidemment et à Quintana en première ligne, à réagir aujourd'hui. Ils n'ont pas le choix dans la canicule andorrane, car on annonce 33, 34, 35 degrés dans la région aujourd'hui, et cette chaleur évidemment est à prendre en compte aussi, mon cher Thomas. C'est noté, on verra ça dans les heures qui viennent. Merci beaucoup Samuel, et puis dans une heure on ira dans les coulisses du Tour de France à la rencontre des speakers qui sont présents à chaque étape sur la ligne d'arrivée. Pierre Caparan qui était pour nous, ce sera 11h30. Ces années-là, sur Vivacité. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver. C'est calme, on travaille pas pour l'ensemble, c'est sûr. On est dimanche, bienvenue dans ces années-là, on est ensemble jusque 13h. Je vous propose ce matin de passer un petit moment avec pour vous les albums de Vanessa Paradis, de Michael Bublé ou encore M Pokora, Texas et Jelly. Et là c'est pour l'album de Puggy qui s'appelle Colors que l'on va s'animer un tout petit peu. On va le faire ensemble ce premier parcours de ce dimanche avec, pour démarrer comme à chaque fois, deux propositions d'année. Vous allez jouer avec la décennie 70. Je vous soumets 1975 ou 1978. À vous de repérer la bonne année à partir des différents indices que l'on va vous donner. Le premier indice va se faire en musique comme à chaque fois avec Roger Glover. 75 ou 78, SMS 60,03, 75 centimes. Merci d'être là, bon dimanche et bienvenue chez vous. 10h30, 13h, ces années-là avec Thomas Leridez.